fuck is easy. Esquive les sorts de cabale. Fais la fête comme Sabah autour du feu. Je m'en bats les steaks comme Shabba. Je fais ce que je veux. Putain, chèque taval. Ça sent la schneck, la cendre et la lave. Je la pends, pends, pends. Dans la brume, chèque t'en prends. T'en abuses. Je vais prendre un dernier verre. Je vais prendre un dernier verre. Après je retourne en enfer. Après je retourne en enfer. NQMT dans vos mères. NQMT dans vos mères. Billets verts volent dans les airs. Comme Pégase dans les airs, pétale dans mes serres. Pétasse, prends tes ailes, je prends tes aises. Dans les faits, prolétaire, en effet. Et trop d'éther pour rester telle qu'elle. Je sais qu'elle m'aime si elle me déteste. Les autres sont mauvais, c'est moi le bien. La tête dans l'Uxer, c'est pas le mien. Ma tête sur les murs. Comme martien. Ça fait quelques heures, je ne sais plus ce que je dis, ce que je fais, ce que je vois. Serré contre moi, je ne sais pas qui c'est. Si je lui demande son prénom, je vais l'afficher. Bébé, tu sais que je vais sauver le monde. Mais avant, avant, je vais prendre un dernier verre. Je vais prendre un dernier verre. Après, je retourne en enfer. Après, je retourne.